Du 13 au 17 avril, le 9e art envahit la capitale. Spectacle, exposition, impro BD, animation, dessins en direct et plus de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs à rencontrer. Découvrez toute la programmation du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec au fbdfq.com. Le 29e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. La vie en BD vous est présentée en direct du Centre des congrès de Québec. Vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1. On est en direct du Centre des congrès de Québec pour le 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Raymond Poirier au micro pour cette édition spéciale de La vie en BD. Un vif plaisir d'être avec vous ce soir. Trois rencontres d'auteurs qu'on vous propose au fil de la prochaine heure, notamment avec Liliane autour de la quête d'Ewilan, également avec Laurent Véron autour de Boulébile. Et on commence ces rencontres avec Chloé Cruchaudet, qui est de passage à Québec, auteur entre autres de Mauvais genre et de plusieurs autres albums. Elle est avec nous. Chloé Cruchaudet, bonjour. Bonjour. Alors, mais peut-être, commençons avec Mauvais genre un peu et la genèse de ce texte, de cet ouvrage. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous avait attiré vers l'essai historique La garçonne et l'assassin? Qu'est-ce qui vous avait amené à le découvrir d'abord et à avoir envie d'explorer l'univers qui y était proposé? Alors, j'ai découvert l'histoire de La garçonne et l'assassin à la radio. Les historiens ont présenté leurs livres et tout de suite c'est une histoire qui m'a fascinée, qui m'a beaucoup interrogée aussi, donc c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre en fait quelles avaient pu être l'histoire de leur couple, l'histoire de ce destin vraiment atypique. Et à force de me poser des questions, en fait, je me suis dit que ça serait vraiment une fiction idéale. Donc j'en ai parlé à mon éditeur qui a été emballé assez rapidement et voilà, et je me suis lancée. Et évidemment, à travers tout ça, on explore, si on y va à la base, l'essence de ce qui fait un genre, au bout du compte, si on sursimplifie un peu. Oui, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire comment est-ce qu'un homme, par nécessité, a dû se déguiser en femme. C'était pas spécialement un choix de sa part, mais il devait se cacher des autorités militaires puisqu'il était déserteur. Et comment est-ce que d'endosser le rôle de quelqu'un d'autre pendant aussi longtemps, c'est-à-dire une dizaine d'années, a changé très profondément sa psychologie et il est devenu un espèce d'être hybride à la fois homme, femme. Il a pu en fait avoir l'opportunité de vivre plusieurs vies. Oui, en fait, parce que d'une certaine façon, il y a toute sa vie d'avant, il y a sa vie pendant la guerre aussi, il y a cette vie-là après. Donc, c'est vraiment de commencer à une période où il est appelé à se réinventer et de voir un peu les conséquences de cette réinvention, finalement. C'est ce qui est développé au fil du récit. Voilà, il a vécu le gros bouleversement de la guerre de 14-18 qui a brisé beaucoup de destins à cette époque-là. Et il a vécu, comme beaucoup d'hommes à cette époque, un espèce de d'ébranlement de la virilité, c'est-à-dire que comme beaucoup de soldats, il pensait qu'il allait faire preuve de courage, qu'il allait pouvoir montrer à quel point il était valeureux, mais comme tous les soldats à cette époque, en fait, ils se sont confrontés à des choses qui les dépassaient, c'est-à-dire que face à une grosse artillerie, face à des gaz mortels, on peut avoir tout le courage qu'on veut, en fait on est complètement inoffensif. Et donc j'ai essayé de représenter vraiment ce qu'avait pu être la guerre pour ces soldats, donc j'ai essayé de mettre en scène des soldats qui ne sont jamais mis en valeur, qui rampent comme des insectes dans la boue, pour faire comprendre en fait au lecteur à quel point ils ont été traumatisés par cet événement et qu'ils ont pu avoir des troubles de la personnalité. Et justement, dans la représentation de la guerre, j'ai l'impression qu'il faut aller avec un certain jusqu'au boutisme pour que le lecteur puisse bien comprendre le traumatisme que ces gens-là ont vécu. Oui, alors ce moment-là dans mon livre, en fait, m'a demandé le plus de travail. J'ai dû recommencer plusieurs fois parce que déjà, c'est un thème qui a beaucoup été traité par les écrivains, par des grands auteurs de bande dessinée comme Jacques Tardy. Et donc, c'est très compliqué de traiter une période historique comme ça qui a été dessiné avec brio par d'autres. Donc j'ai essayé vraiment de me plonger dans, de faire un peu d'introspection et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui, par exemple, pour moi, serait le plus atroce à vivre, qui pourrait faire que ce soldat, donc Paul Grapp, a décidé de déserter, sachant que déserter à l'époque, c'était vraiment lourd de conséquences. Si les déserteurs étaient rattrapés, à cette époque-là, ils étaient fusillés sur le champ. Donc, j'ai essayé de mettre en scène quelque chose qui soit tellement atroce qu'il puisse prendre ce risque. Et le récit aussi, vous l'avez choisi de le commencer au tribunal. Donc, on voit qu'il y a un événement qui va se passer, en fait, que toute cette histoire qui commence durement avec la guerre va se terminer aussi de manière assez difficile, mais sans savoir la conclusion, évidemment, au départ. Mais on dirait que ça teinte le reste de la lecture d'un sentiment d'inéluctable, en fait, que quelque chose qui va arriver, on ne sait pas quoi, mais on s'attend constamment au pire, finalement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de Paul et Louis se termine un petit peu de manière tragique. À la fin, il y a eu un meurtre, donc je ne dévoile pas qui a été tué pour laisser au lecteur le suspense. Mais donc suite à ce meurtre, un avocat a laissé toutes ses archives à la ville de Paris, et c'est pour ça qu'on a pu reconstituer le destin de Paul et Louise. Et finalement, moi, j'étais un peu comme ce juge que je mets en scène dans mon histoire. Ce qui m'a intéressé, c'est que je comprenais pas non plus ce qui avait pu leur arriver, comment est-ce qu'il avait pu se faire passer pour une femme pendant aussi longtemps, alors qu'il avait un physique quand même avec des traits assez marqués, etc. Et moi-même, comme le juge dans mon histoire, je faisais des catégories assez simplistes, c'est-à-dire que je pensais qu'il y avait les hommes, les femmes, les hétérosexuels, les homosexuels. Et en creusant un petit peu l'histoire de Paul et Louis, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait plein de schémas, de possibilités différentes, et que c'était beaucoup plus riche que ça. Mais souvent, c'est une spécificité très, très humaine, finalement. On a besoin de classifier les choses pour les comprendre, et on fait des raccourcis, des simplifications, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Et dans le récit, dans Mauvais Genre, Chloé Cruchaudet, j'ai l'impression qu'il y a un point de bascule aussi, dans la mesure où au départ, c'est Louise qui domine Paul, qui lui apprend à être femme, la féminité, la séduction et le reste. Et à un moment, sur le plan de la séduction à tout le moins, mais Paul, devenu Suzanne, fascine les autres par sa particularité, si on peut dire, par ce qu'il évoque, et elle évoque finalement, et l'élève en vient à surpasser le maître aussi, donc il y a un rapport de pouvoir qui est renversé complètement. Oui, complètement, c'est une histoire d'apprentissage finalement, puisque sa femme, donc, qui est complice de Paul, l'aide à se faire passer pour une femme. Elle devient, comme vous dites, son mentor. C'est un peu une espèce de maître Yoda finalement, qui lui enseigne au début, parce que lui-même est très dubitatif sur le fait qu'il puisse se faire passer pour un homme. Donc il lui dit, bah voilà, moi je suis un gars, jamais je pourrais faire de ce que tu fais, prendre une petite voix, etc. Puis elle lui dit, non, mais ne t'inquiète pas, avec les bons accessoires, tu vas y arriver, etc. Et elle fait tellement bien son travail qu'effectivement, l'élève dépasse le maître, et Paul devient une espèce de diva ultra féminine qui séduisait visiblement tous les hommes, les femmes à cette époque, si bien qu'il y a une espèce de déséquilibre qui se fait dans le couple, et Louise, sa propre femme, est jalouse de son mari, qui fait preuve de plus de féminité qu'elle. Au final, c'est lui qui finit par lui donner des conseils de maquillage. Enfin, c'est vraiment un inversement complètement des rôles qui aurait pu fonctionner peut-être, mais le problème, c'est que Paul a eu des gros problèmes d'alcoolisme, de violence, qui ont fait que ça, malheureusement, ça a dégénéré au sein de leur couple. Oui, en fait, c'est comme un peu si la nouvelle vie dont on parlait au début de l'entretien, mais a été rattrapée par l'ancienne, finalement, par les troubles qui ont été amenés par la vie d'avant. Oui, voilà. Malheureusement, à cette époque, il y a beaucoup de soldats qui étaient devenus alcooliques au front, c'est-à-dire que pour supporter la dureté des combats, ils buvaient plusieurs litres de vin par jour. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont... Donc non seulement ils ont été traumatisés par la guerre, mais en plus, ils en sont sortis alcooliques. Et ça a été le cas de Paul, et ça lui a brisé la vie finalement, parce qu'il n'a jamais pu se séparer de ça. Même s'il y a des moments, il a... Donc sa femme, là, c'est assez drôle, là, comme il manquait d'argent, elle l'a initié à la couture. Et Paul est devenu façonneuse de bretelles de soutien-gorge. Donc à un moment donné, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'il est devenu une excellente couturière. Mais malheureusement, voilà, il avait certainement un caractère très, très expansif, très charismatique, et une petite vie rangée de couturière ne lui a plus suffi. Donc il avait besoin d'émotions plus fortes. Je pense que c'est un petit peu un cliché, mais ceux qui ont connu de très près la mort ont une espèce d'urgence à vivre. Et c'est pour ça que cette période des années de l'entre-deux-guerres est très intéressante. Il y a eu comme ça des moments de liberté sexuelle, notamment au Bois de Boulogne à Paris. Donc le Bois de Boulogne maintenant est très connoté prostitution, mais à l'époque c'était un lieu d'échange pour des gens qui avaient envie de connaître comme ça des émotions fortes. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'y déroulait. Moi j'ai proposé une version très ludique, peut-être que c'était beaucoup plus glauque, mais quoi qu'il en soit, on sait juste que Paul y a noué des relations assez fortes. Et c'est assez intéressant de savoir qu'à cette époque, des classes sociales très mélangées ont pu se rencontrer là-bas pour vivre des moments de bonheur. Et tout ça raconté dans une économie de couleurs en fine palette qui se rapproche du noir et blanc sans être du noir et blanc, avec des éléments aussi de rouge notamment qui sont présents à travers le récit. Qu'est-ce qui a amené ce parti pris au point de vue graphique? Alors la bande dessinée, c'est vraiment un art de la suggestion. On ne peut pas se permettre de passer une semaine sur chaque case. Donc on essaye vraiment d'évoquer les choses et de faire en sorte que le lecteur reconstitue. Finalement, le lecteur fait beaucoup de travail lui-même. Il doit reconstituer les ellipses entre les cases et aussi les endroits du dessin que j'ai laissé très flou. C'est pas par fainéantise, on pourrait le penser, mais c'est aussi pour que le lecteur, par exemple dans les pages très noires de la guerre, il y a des moments où on discerne à peine ce qui s'y passe, mais finalement le lecteur peut lui-même y mettre ses propres cauchemars. Donc voilà, la bande dessinée, faut pas juste en feuilletant par exemple se dire ah le dessin est vite fait, ça m'intéresse pas, etc. Il faut vraiment prendre le temps de plonger dedans, d'essayer de lire une séquence, et on est assez surpris des fois comme un style graphique qui a priori pourrait être repoussant finalement fonctionne très bien selon l'histoire qui est racontée. Et parallèlement, en fait, dans Mauvais Genre, donc il y a cette question d'identité, on en parlait, qui domine. Si on en regarde un peu d'autres de vos ouvrages, Chloé Cruchaudet, on peut le retrouver aussi avec l'histoire d'un petit Esquimau perdu aux États-Unis, dans Groenland, Manhattan, dans Ida, où on a une femme qui a le goût du voyage et qui, au fil de ses déplacements, devient une exploratrice, transcende ce qu'elle était. Donc l'idée de vie d'avant et de nouvelle vie, de nouveau départ, c'est quelque chose qui est présent dans ce que vous proposez. Pour être honnête, je m'en étais même pas aperçue qu'il y avait un espèce de point commun dans toutes les histoires que j'écrivais. On me l'a fait remarquer. Mais oui, il y a toujours une histoire, un questionnement sur l'identité. Donc ça peut prendre différentes formes. Mais c'est cette éternelle question de ce qui est inné et de ce qui est acquis. Qu'est-ce qui nous constitue vraiment? Est-ce que on a en nous, par exemple, ce petit Esquimau dont je parle dans Groenland Manhattan, qui est aussi tiré d'une histoire vraie? La question, c'est de se poser, est-ce qu'il a en lui les gènes d'un Inuit qui lui permettrait de mieux chasser le phoque que des Américains, etc. Ou est-ce que c'est juste quelque chose d'acquis? Et donc, bon, voilà, c'est à travers son destin, on peut répondre partiellement à cette question. Mais c'est assez impressionnant de voir comment on est des éponges et que finalement, on est capable de faire plein de choses tant que l'environnement nous le permet. Oui, un peu l'exemple d'Ida dans ce sens-là aussi est assez édifiant, je pense. Et vous parlez de recherche historique pour Groenland Manhattan, il y en a eu clairement aussi pour Mauvais Genre. Pour Ida aussi, vous vous êtes inspiré de récits de voyage, d'autobiographies d'exploratrices pour imaginer votre héroïne? Oui, alors pour Ida, qui est donc cette fois-ci une fiction, c'est pas un personnage qui a réellement existé, j'ai quand même tenu à mettre un fond historique que je voulais qu'il soit le plus vraisemblable, le plus juste possible. Donc je me suis beaucoup documentée sur ce qui se passait en Afrique à cette époque, et ces fameuses guerres coloniales qui ont ensanglanté l'Afrique à cette époque, qui est assez compliquée à comprendre. Mais justement le regard de mon héroïne Ida, qui est très naïve, me permet justement de, finalement c'est un peu moi, j'avais un regard assez naïf sur toutes ces questions-là, et j'ai appris comme elle au fur et à mesure de l'histoire à comprendre les dessous, le machiavélisme des pouvoirs en place à cette époque, que cela soit les Français, les Belges, enfin comme je le dis dans le livre, il n'y en avait vraiment pas un pour attraper l'autre. Et donc, à travers cette histoire qui peut paraître un peu légère d'une petite bourgeoise psychorigide, pas du tout douée pour le voyage, qui fait son périple et qui se change intérieurement, il y a aussi en toile de fond toutes ces histoires très, très dures de l'Afrique. Et après ces albums-là, on vous retrouve avec votre dernier né, La Poudre d'Escampette, et là, on est dans la bande dessinée jeune public. Là, on ne serait pas nécessairement tendu vous trouver avec un récit d'aventure, avec un petit côté quand même identitaire où on a un personnage, Paul, qui essaie de se faire apprécier, intégré par une bande. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce terrain-là? Je pense que c'est après avoir terminé Mauvais Genre, qui était quand même une histoire très dure à traiter, bien que j'ai essayé de mettre des moments de légèreté, c'est quand même, ça reste une histoire dramatique. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu affecté de dessiner des scènes, par exemple, de violence conjugale assez dures, des scènes qui étaient un petit peu anxiogènes. Et donc, j'avais besoin d'un petit peu de légèreté. Et à ce moment-là, il se trouvait que mon éditeur voulait lancer une collection très jeune public. Donc, le but est vraiment de pouvoir faire découvrir la lecture à des très jeunes enfants avec la bande dessinée, d'où le format du livre assez grand. Pour être lu avec les parents, dans le fond. Exactement, c'est dans le but de pouvoir lire, d'accompagner l'enfant. Et j'ai tout de suite pensé, en fait, c'est assez égoïste, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai essayé de me dire qu'est-ce que j'aimais lire quand j'étais petite fille, qu'est-ce qui me plaisait. Et quand j'étais enfant, c'était vraiment les histoires d'aventure et de bricolage, comme ça, de faire des choses avec ses mains qui me plaisaient beaucoup. Donc j'ai imaginé l'histoire de cette bande d'enfants qui, pour échapper au monde des adultes, construisent un radeau avec des matériaux de récupération. Et alors leur voyage, il est extrêmement court, mais déjà rien qu'en faisant 100 mètres avec leur radeau, ils trouvent que tout est exotique, tout est merveilleux, ils sont complètement euphoriques. Mais comme beaucoup dans les histoires de voyage, de toute façon, c'est pas la destination qui compte, c'est la préparation au voyage, le fantasme, l'aventure en groupe, etc. Donc leur aventure ne dure pas très longtemps, j'en dévoile pas plus. Et ce qui m'a amusé aussi, c'est de faire un objet cohérent, c'est-à-dire que dans ce livre, qui est une espèce d'apologie du bricolage, de la récupération, à la fin, on trouve des pages qu'on déplie, avec lesquelles on peut construire le radeau avec l'enfant, parce que je pense que c'est un peu trop difficile pour qu'il le fasse lui-même. Donc j'espère donner l'appétit, finalement, à la construction, et qui peut être assouvi à la fin du livre. Et le prochain projet sur lequel vous planchez est un peu en lien avec l'enfance, mais en lien aussi avec une perspective plus sombre, une histoire plus dure sur la croisade des enfants. Oui, je suis en train de... Là encore, une période que j'ignore totalement, ça se passe au XIIIe siècle, et ça raconte un événement dont on sait finalement peu de choses, qui est presque une légende, c'est-à-dire ça se situe entre la 3e et la 4e croisade. C'est une croisade qui a échoué. Et ça s'appelle la croisade des enfants. Donc, c'est des enfants qui sont partis du nord de la France, guidés par un adolescent qui a affirmé avoir entendu un message du Christ lui ordonnant d'aller délivrer son tombeau. Donc il a réussi comme ça à rameuter ses amis, et puis au fur et à mesure du chemin, de plus en plus d'enfants. Et la troupe a tellement grossi que quand ils sont arrivés à Marseille, ils étaient plusieurs milliers. Et ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que donc c'est vraiment une croisade des miséreux, des petits, dans tous les sens du terme, et qui étaient partis avec un but noble, mais ils ont rencontré tellement de difficultés en chemin qu'ils se sont mis à piller les villages, à commettre des choses qui n'étaient pas du tout dans le but premier de leur croisade. Donc ça a vraiment dégénéré, et c'est cette aventure en groupe qui m'intéresse beaucoup de traiter. Alors on va la découvrir en cours de route, évidemment, et d'ici là, je le rappelle, on peut relire, que ce soit La Poudre d'Escampette, Mauvais Genre, la trilogie Ida, ou encore Groenland Manhattan. Chloé Cruchaudet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne poursuite de festival. Merci. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89h et Mon Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez suivre La Vie en BD, notamment sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, que l'ensemble des émissions également sont disponibles en balado-diffusion sur laVieEnBD.wordpress.com. Et on a le plaisir maintenant d'être en compagnie de Laurent Veyron, auteur, dessinateur de Boule et Bill, donc qui a repris la série de Roba. Laurent Veyron, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors justement, c'est... Si on refait un peu l'histoire de la façon par laquelle vous êtes arrivé vers Boule et Bill, c'est que vous avez travaillé pendant quelques années avec Roba, et c'est chose inhabituelle peut-être un peu dans l'union d'édition, c'est lui qui avait préparé sa succession et qui a dit, ben, je veux que la série persiste et je veux que ce soit Laurent Veyron qui reprenne, qui poursuive mon travail. C'est exactement ça. J'ai travaillé il y a 30 ans maintenant, pendant 3 ans, j'ai appris le métier avec lui. J'ai été son assistant, et puis après je suis parti, j'ai fait mes bandes dessinées, et au tout début des années 2000, quand il a voulu s'arrêter, l'âge venant, tout ça, il avait toujours voulu que Boule et Bill continue. Après lui, c'était vraiment, ça lui tenait à cœur, il savait qu'il y avait tous ses enfants, ses lecteurs, il voulait pas clore cette série. Et voilà, comme j'ai été son assistant, il est venu vers moi, il me dit, voilà, j'aimerais bien que tu reprennes Boule et Bill pour qu'il continue à vivre des aventures. Voilà. Et ça a été un peu, d'une certaine façon, l'apprentissage d'un style, parce que quand vous étiez arrivé à reprendre Boule et Bill, j'ai l'impression qu'avec Dylan Verjus notamment, vous étiez arrivé à une certaine maturité en termes de votre style, de Laurent Veyron. Et là, maintenant, fallait un peu repartir à zéro et apprendre comment Roba faisait. Ben, j'ai pas eu trop de mal, finalement, à me replonger dans ce style Roba. Ayant appris le métier avec lui, moi, je l'ai vu dessiner, je le regardais dessiner. Donc, il y a même des gestes que je reproduis, des gestes qu'il faisait pour crayonner ou pour ancrer que je refais. Et en plus, c'est un style de dessin qui m'a toujours plu. Moi, je lisais Boule et Bill enfant aussi. Donc, ça m'a même un peu surpris, mais j'ai pas eu trop de mal à me replonger dans son style. Mais je dirais pas que c'est un retour en arrière, parce que c'est quand, malgré son aspect assez simple, ce dessin est très élaboré et il est très lisible surtout. C'est ça le truc de Roba. Donc, il y a quand même un travail. J'ai quand même dû faire des gammes et vraiment travailler pour être au point. Pour moi, mon but, c'était qu'entre le dernier album Roba et le premier album Veyron, il n'y ait pas trop de différence, quoi, que le lecteur. Mais c'est pas vraiment, c'est un retour en arrière, disons, en me replongeant dans Boule et Bill 10 ans avant, enfin voilà. Mais il y a quand même un gros travail pour être au niveau, quoi, voilà. Et à la limite, est-ce qu'on pourrait dire qu'en termes de plume, dans le fond, il y a Laurent Veyron qui dessine Boule et Bill, qui est un peu un de vos styles, et il y a l'autre Laurent Veyron, oui, aussi qui coexiste finalement. Oui, oui, ben moi j'ai toujours désiré continuer à faire mes projets personnels, donc à l'époque quand j'ai repris Boule et Bill, je continuais Odilon Verjus. C'est vrai qu'il y a un style de dessin qui a une base commune, mais c'est quand même différent. Et encore aujourd'hui, j'ai d'autres projets, je fais d'autres choses. J'essaye encore de distancier encore plus mon style graphique par rapport au style de Boule et Bill, quoi, voilà. Donc c'est un peu comme ça qui s'influence entre les deux, dans le fond. On y va à fond d'un côté, on dit, bon, OK, quand je développe autre chose, il faut que j'aille complètement ailleurs. Voilà. Alors, il y a quand même des bases qui restent. Je pense toujours à la lisibilité, même si mes planches, là, je suis sur un autre album, sont plus chargées, sont plus noires, un peu plus réalistes. Mais j'ai toujours en tête le fait d'être lisible. C'est très important pour moi. Quand on lit une BD et qu'il faut revenir en arrière parce qu'on n'a pas compris une scène, machin, là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je garde quand même ça en tête. Mais, bien sûr, au niveau du style, du trait, j'essaye d'être très différent de Robin, quoi, évidemment. Pour se garder en danger? Oui, oui, et puis pour progresser, et puis pour chercher, c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est d'avancer, c'est de chercher, c'est explorer. Là, je fais des planches, j'utilise une lame de rasoir pour faire certains décors, je trempe ma lame de rasoir dans l'encre de Chine, donc on peut avoir un trait extrêmement fin et rigide, et puis si on la fait courir sur le papier de travers, ça fait une grosse tache noire qui fait des effets un peu métalliques. Enfin bon, voilà, il y a des trucs. Je suis en ce moment en train de chercher des choses. Alors je reste dans la BD évidemment, mais je regarde plus la peinture, je regarde plus même l'art abstrait aussi. Enfin bon, voilà, c'est des trucs. Il y a une une évolution dans la carrière. C'est pas que des petits Mickey, quoi. et même, en fait, à la limite, j'aurais envie de dire, d'un côté, dans vos projets personnels, ben, vous pouvez vous éclater plus loin. Et en même temps, dans Bully Bill, vous restez pas non plus assis sur l'idée de figer le dessin de robot et de reproduire perpétuellement. Mais au contraire, j'ai l'impression que, bon, après peut-être deux albums où la transition se fait doucement, mais toujours doucement, vous véronisez, si on peut dire, tranquillement, l'univers de Bully Bill. Ben, disons que je me les approprie petit à petit, évidemment, en travaillant. Là, ça fait 15 ans que j'ai fait du Bully Bill. Donc, au bout d'un moment, oui, il y a une appropriation. Et sur certains détails de dessin, ou des personnages secondaires, ou par exemple des animaux, si j'ai des animaux à dessiner dans Bully Bill, maintenant, c'est des animaux verrons, c'est plus des animaux repas. Des détails de plis, de vêtements, des choses que le grand public verra pas forcément. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont plus verrons, parce que, voilà, et à force de dessiner, je me les approprie, l'univers, je me l'approprie. Et puis moi, j'ai envie de dessiner aussi des choses, comme vous dites, pour pas figer cet univers, d'autres trucs, même si c'est pas un bouleversement dans la série, évidemment. Donc c'est plus Véron. Et j'ai des réflexions, des fois, en dédicace d'enfants qui n'ont pas connu donc le Bully Bill de Roba, même si peut-être leurs parents en ont, ou des choses comme ça, mais... Et ils ont connu que le Bully Bill de les nouveautés que de Véron, donc c'est une situation qui me plaît bien, quoi. Enfin, c'est... Oui, puis c'est qu'il faut pas oublier non plus que même au départ, en fait, Bully Bill, même si le cadre est assez strict, est assez classique, en fait, c'est la famille. C'est pas une série qui était figé dans le temps, dans les petits détails, dans la mesure où, à un moment donné, dans les années 70, le skateboard est apparu, on a eu le skateboard. De votre côté, ben, l'ordinateur personnel, le portable est arrivé, ben, on le retrouve. Donc, pour que, dans le fond, l'enfant qui lit aujourd'hui Bully Bill, vos Bully Bill, se reconnaisse dans cet univers familial-là, comme l'enfant qui les lisait dans les années 70 se reconnaissait dans ce que Robot propose. C'est exactement ça. C'est une série qui évolue avec la société, même si c'est par petites touches, même si c'est pas visuellement énorme. Mais moi, je donne toujours cet exemple, je me répète, mais la maman, par exemple, je la dessine plus en train de faire la vaisselle ou faire des tâches ménagères. Elle est devant un ordinateur, on pourrait se dire, tiens, elle travaille, elle fait du télétravail chez elle, elle est devant l'ordi, on fait des gags avec des portables, des téléphones portables, avec Bully Bill. Voilà, ça me paraît logique, ça me paraît naturel de faire vivre Bully Bill aujourd'hui, et surtout que les enfants qui le découvrent aujourd'hui, ils disent pas c'est quoi, c'est le Moyen-Âge, c'est... voilà. Oui, on fait le côté intemporel de la série, d'une certaine façon. Oui, c'est pour ça qu'elle est un peu intergénérationnelle. Moi, je vois en dédicace, j'ai des grands-mères comme j'ai des enfants de 7 ans, quoi, donc... Ça, c'est un peu le charme de cette série, quoi. Et en même temps, je me dis, vous parlez de clarté, de lisibilité, mais pour qu'un gag fonctionne, effectivement, il faut que ça soit clair. On n'a pas nécessairement énormément d'espace. Je pense que, même de manière générale, il y a eu une fois une longue histoire à la demande des auteurs, mais Robin était beaucoup plus un auteur à gag. Oui. De votre côté, c'est tout au plus 6 planches sur des histoires un peu plus longues, mais sinon, on y va avec des gags à une planche aussi le plus souvent. Et dans un contexte où les ingrédients du gag sont quand même relativement limités. C'est vachement dur, oui. Et je travaille avec deux scénaristes, Pierre Weiss et Crick. Et, pardon, ils se cassent un peu la tête pour trouver... alors, il y a des familles de gags, évidemment. Il y a toujours le gag avec le gâteau ou avec le bain de Bill, enfin, des choses comme ça. Mais ça devient très difficile. Alors, par exemple, dans le dernier album, on a, à la demande de mon éditeur, on a fait... une quinzaine de pages où, avec une sorte de thème, Bully Bill partent en vacances à la montagne. Moi, je vis dans une région montagneuse, donc je fais de la montagne, et j'essaye d'aller photographier les chamois, les bouquetins dans les montagnes. Donc, en parlant de mon éditeur, il me dit, tiens, ça serait rigolo de faire Bully Bill qui essaye d'aller voir les animaux dans la montagne. Et Bill, évidemment, il fait des bêtises avec les animaux, il les fait fuir, enfin bon, voilà. Et ça pourrait être un thème qui pourrait être intéressant pour des petits citadins qui connaissent pas bien cet univers. Donc, on essaie de renouveler aussi le cadre de Bully Bill en les emmenant de temps en temps en vacances pour qu'ils soient dans un décor différent. En élargissant un peu l'univers. Voilà, voilà, c'est ça. Et puis, moi, j'aime bien dessiner les animaux. Alors, évidemment, dès qu'il faut faire les animaux, je suis partant. Et ça, c'est comme ça qu'on peut amener un peu des éléments dans ce cadre très restreint de Bully Bill. La petite maison, le petit jardin... Mais c'est difficile de trouver des nouvelles idées. Oui, parce que je me dis, en fait, quand un scénario doit arriver, j'imagine que la première question, c'est est-ce qu'on le fait? Est-ce que Robin le fait? Est-ce que le fait? Exactement. Et comment s'en rappeler? Je veux dire, c'est 50 ans d'album, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Mais j'ai une bonne mémoire. de Boulébil, je les ai lus enfant, et puis en travaillant chez Roba, bon, je les ai relus. Moi, quand j'ai repris, j'ai aussi relu des choses, des albums. Et j'ai une anecdote, un jour, Pierre Weiss m'envoie un scénario écrit tout près. C'était pile poil exactement un gag que Roba avait fait, je sais plus, 25 ans ou 30 ans avant, mais il l'a pas fait exprès. C'était inconscient, et il avait fait exactement un gag que Roba avait fait des années avant. Et l'autre scénariste crie qu'il habite près de chez moi, donc avant d'écrire quoi que ce soit, il me raconte un peu le gars. Il me dit d'abord, dis-moi si Roba l'a déjà fait. Tu vois. Donc, et une fois ou deux aussi, il me raconte un truc, je dis ah oui, mais ça a déjà été fait. Et j'arrive même à retrouver à peu près dans quel album ou quelle période ça s'est fait. Donc, évidemment, c'est le premier obstacle, c'est ça. Est-ce qu'on a déjà fait ce gag, quoi? Et la dynamique, quand vous mentionnez justement qu'avec Crick, vous habitez dans la même région, est-ce que c'est un peu sur Boulébile que vous êtes rencontrés, que c'est la collaboration, le fait que ça marchait bien, ça vous donne envie de vous lancer avec Fugitif sur Terra 2 par après pour dire, bon, OK, ça marche bien dans l'ambiance Boulébile, voyons qu'est-ce qu'on peut faire dans une autre ambiance? Oui, c'est Crick est un ami. Avant d'être un collaborateur professionnel, c'est d'abord un ami. Donc on avait fait quelques petites histoires courtes ensemble, et puis quand j'ai commencé Boulébile, je lui ai proposé, je disais, tu veux essayer de faire quelques gags, voilà, puis il s'y est mis, et ça lui a plu. Et puis on avait quand même le souhait de créer nous-mêmes, créer une série jeunesse, c'est important pour nous. Et donc voilà, on a discuté très longtemps avant de faire les premiers dessins, ça a peut-être duré 2 ans, 3 ans, on a eu plein de versions différentes. Et c'est une série qui a été un petit peu inspirée par nos enfants. Lui a 3 garçons, moi j'ai 3, c'est pas mes filles mais c'est mes belles-filles, mais c'est un peu comme mes filles, on s'entend super bien. Donc on avait envie de raconter un peu, c'était des pré-ados à l'époque et leur relation entre eux, enfin voilà, ça a démarré là-dessus. Mais c'était un souhait commun de créer une série à nous, quoi, voilà. Et c'est une collaboration qui se passait très bien, on est amis et on se dit tout, si ça va pas on se le dit, il y a aucun problème à ce niveau-là, et moi je participais aussi un petit peu au scénario, quoi. Oui, donc ça devenait presque naturel, justement l'extension plus familiale, de dire bah, ok, c'est quelque chose de personnel, et en même temps on s'inspire de notre intimité. Oui, voilà, c'est et on la propose au lecteur. Oui, hein. C'est ça, il s'est inspiré de choses qui se passaient avec ses fils. Moi j'ai même un personnage, une petite jeune fille, physiquement je me suis inspiré d'une de mes filles, je l'ai fait poser et elle est ce personnage, quoi. Donc à l'époque elle était toute fière. Dit ouais, je suis dans une BD. Mais c'était. On s'inspire, on se nourrit de ce qu'il y a autour de nous. Et dans ce cas-là, c'était. Alors, c'est une bande dessinée qui est plus aventure, mais ça, c'est la toile de fond. Ce qui nous intéressait, c'est cette relation entre ces 3 pré-ados. Il y avait 2 filles, 1 garçon. Et c'est toute leur relation qui nous intéressait. C'était chouette à faire. Et le fait de jouer justement sur des univers qui sont très très éloignés de Boulébile, qui est un peu le gros moteur. Et je pense d'ailleurs, en fait, vous me corrigerez, mais je pense que les ventes de manière générale sont aussi fortes aujourd'hui qu'elles étaient avec Roba. Donc on voit que la série continue d'inspirer. Et votre interprétation continue aussi justement d'inspirer les lecteurs, lectrices. Et parallèlement, vous faites très loin avec d'autres choses. Donc, il y a un peu le Véron de Boulébile, mais les gens qui vous lisent, qui apprécient ce que vous faites dans Boulébile, suivront pas nécessairement Laurent Véron dans ses expérimentations autres. Oui, par exemple, cette série Fugitif sur Terra 2, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de vente. Enfin, voilà. Je dis toujours que on vend pas des BD sur notre nom, à part quelques auteurs hyper connus. Je pense à Bilal ou à Tardy, des gens comme ça. Non, les gens connaissent le nom des personnages. Donc moi, en tant que dessinateur de Boulébile, Véron, si j'ai fait une nouvelle série, c'est comme si je partais à zéro, quoi. Les gens font pas de lien. Donc je me trouve dans la position de quelqu'un qui a une série best-seller entre guillemets. Et quand je fais un projet plus personnel, je me trouve dans la situation de n'importe quel dessinateur qui propose un projet. Donc, je connais les deux parties du métier, quoi. Et est-ce que ça vous donne, j'imagine d'un côté une frustration de pas réussir à les diffuser autant, mais d'autre côté une liberté de dire, bah, OK, je peux aller plus loin dans l'expérimentation parce que j'ai pas ce poids-là non plus. Donc, c'est un peu des deux. Oui, bien sûr. Alors, une frustration, évidemment, mais je savais de toute façon qu'on ferait pas les chiffres de Boulébile. Boulébile, c'est un classique, ça fait 60 ans que ça existe bientôt. On s'attendait pas à avoir, bien sûr. Mais sur Fugitif, on a quand même été un peu déçus. C'est des problèmes pas seulement être un 5 à la série, mais des problèmes de date de sortie, de surproduction. Est-ce que voilà, il y a plein de critères qui font qu'une série marche ou marche pas. En même temps, au niveau de la liberté, de toute façon, quand on fait un projet perso, on est à fond, on se pose plus trop ces questions, quoi. On va dans notre projet, on essaie de faire le mieux possible, et puis de s'amuser à le faire. Surtout dans un contexte d'un projet en plus d'amitié comme celui-là. On a envie de se lâcher. Là. Voilà, c'est ça. Et justement, on parle de projets autres. Après avoir s'être attaqué un peu à Boulébile, vous allez l'orner dans l'univers de Spirou, mais dans Spirou avant Spirou, donc où on découvre plus la genèse de l'invention du personnage. Oui, c'est un one shot que je fais là dans la collection Spirou part, où chaque auteur interprète un peu son Spirou. Et là, on va raconter une aventure, une histoire avec le véritable groom qui a inspiré le créateur de Spirou, Rob Vell, donc créateur de Spirou en 1938, avant d'être dessinateur, était steward sur les transatlantiques qui faisait la traversée la France New York. Et il y avait des petits grooms qui s'occupaient des passagers, qui étaient sous les ordres du steward, et Rob Vell était steward. Et parmi eux, il y avait un groom qui avait la chevelure toute rousse, qui était assez débrouillard, pas très grand. Et quand 10 ans plus tard, donc Rob Vell a créé Spirou à la demande de Dupuis, il s'est rappelé ce petit groom. Donc on va faire un album sur ce personnage, ce groom qui a réellement existé, qui est un personnage réel. Bon, on invente un peu parce qu'on connaît pas sa vie, voilà. Mais la fin va être aussi réelle, parce que d'après ce que racontait Rob Vell, il s'est passé des choses qu'on va remettre dans cet album. Et moi, ça me permet d'avoir une liberté totale, puisque c'est pas Spirou. Donc on invente un personnage. Bon, il aura son costume de groom, évidemment, il aura une chevelure rousse. Donc il rappellera Spirou, mais voilà, c'est pas Spirou, et moi ça m'arrange bien, et on est dans un contexte historique, ça se passe en 29, c'est sur un bateau, c'est une aventure, et c'est complètement différent de Boulébile. Moi je m'éclate, c'est plus cinématographique comme cadrage, et je redessine c'est génial. Oui, donc on garde un peu les distinctions des styles, les projets pour garder l'énergie, garder la passion. Exactement. Oui, c'est indispensable pour moi. Je ne pourrais pas faire que Boulébile parce que c'est pas ma création. Même si j'y mets de moi dedans, mais j'ai absolument besoin de faire d'autres choses. Et puis après ce Spirou, j'ai encore d'autres projets. J'aimerais un jour faire mon scénario. J'ai quelques idées. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai. Ça pue un peu le trac, mais voilà, j'ai plein de choses. J'ai envie de plein de choses dans le futur. Ah ben, on découvre tout ça, évidemment, on relit vos Boulébiles, on incite les gens, si ils n'ont pas eu l'occasion de le faire, d'aller jeter un coup d'œil à Fugitif sur Terre à 2 en attendant les aventures de Spirou part. Alors ben Laurent Veyron, merci beaucoup. Eh bien merci à vous. Et au plaisir. Au plaisir, au revoir. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro. Dernière ligne droite de cette émission spéciale qu'on vous propose en direct du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. J'en profite également pour vous mentionner que si vous voulez me suivre dans d'autres cieux que ceux radiophoniques, mais vous pouvez notamment suivre mon blog voir.ca/Raymond-Poirier pour avoir quelques regards, quelques reprises et le reste. Alors on poursuit, dernier sprint avec une série jeunesse qui s'appelle La Quête d'Ewilan, déjà troisième tome d'adaptation BD de ce roman jeunesse, de cette série jeunesse de Pierre Bottero qui a connu un succès massif. Et pour nous en parler, on est avec le scénariste Lilian. Bonjour. Bonjour. Alors, mais peut-être d'emblée, je me dis, j'essaie de me mettre à votre place et je me dis, quelqu'un un jour m'appelle et me dit, il y a une série qui s'est vendue à quoi? 2 millions d'exemplaires. On aimerait que vous en fassiez l'adaptation scénario. Comment on reçoit une demande comme ça, sachant que je crois que vous n'étiez pas un lecteur au départ de l'univers de Bottero? Alors, mon histoire avec Pierre Bottero et son œuvre commence en premier par une amitié, car je connaissais une dessinatrice française qui s'appelle Lily Cat, qui fait aussi des poupées en sculpture, des choses... Bon, c'est une artiste qui navigue entre le dessin et la sculpture. Et elle avait été approchée par un éditeur français pour... adapter le roman de Pierre Bottero. Et le roman de Pierre Bottero arrive en fait dans les mains d'un éditeur par deux fans, donc dont la fille de l'éditeur qui lui dit voilà, papa, ce livre il est génial, toi tu es éditeur de bande dessinée, lis ce roman et si ça te plaît, il y a peut-être moyen de faire une bande dessinée. Donc au début, finalement, c'est pas au départ une question d'appât du gain ou de millions de romans vendus. C'est d'abord des fans en fait qui vont donner ça. Ensuite, Jean-Claude Camano, qui est l'éditeur chez Glénat, qui a monté le projet, a cherché à trouver la meilleure équipe artistique pour arriver à concevoir cette œuvre. Et Jean-Claude travaille surtout sur la sensibilité des artistes et sur leur professionnalisme. Donc, il avait contacté mon ami qui travaillait avec une scénariste à l'époque. Et un jour, en 2010, je reçois un coup de fil de mon ami qui me dit bah, « Voilà, Lilian, on se connaît depuis longtemps, on a déjà fait un album ensemble qui s'appelle Min Halloween. » Et moi, je suis quelqu'un qui privilégie beaucoup le travail de collaboration. Je me déplace chez les personnes, on storyboard ensemble. Vraiment, j'essaie d'échanger au maximum et de connaître la personne au maximum pour travailler pour elle. Et elle me dit « Voilà, ça se passe pas très bien dans le duo que j'ai en ce moment sur le projet. Et est-ce que toi, tu voudrais pas tester ? Parce que j'ai l'impression que peut-être plus que toi, tu aurais peut-être plus la sensibilité pour travailler sur cette œuvre. » Moi, je connaissais pas l'œuvre du tout. Donc, elle me dit « Pierre Bottero, La quête de Willan. » Donc là, moi, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais lu aucun livre. Et donc, j'étais à Bordeaux à l'époque. Je vais chercher l'intégrale. Je lis la première séquence. Je referme le livre et j'appelle mon ami. Je dis « C'est bon, on peut faire le test. » Voilà, parce que rien que sur la première séquence, il y avait une telle finesse d'écriture et une telle promesse en fait de découvrir en tant que lecteur un univers grandiose que je me suis dit ça vaut le coup de tenter. Donc on a commencé comme ça. Ensuite, mon amie a arrêté pour plein de raisons, parce que ça durait très longtemps et qu'elle avait d'autres velléités, notamment dans la sculpture de poupées. Mais moi, c'était déjà trop tard pour moi, parce que j'avais déjà avalé les trois trilogies, La quête des Willan, Les mondes des Willan, Le pacte des Marchombres. Et Pierre Bottero était en moi, quoi. Et j'ai l'impression, en fait, le fait d'arriver sans nécessairement avoir connu la série, ça évite un peu, parce que en farfouillant sur le web, quand on parle d'adaptation BD, il y a avant le premier tome une série de blogs, des forums, des gens qui disaient, ils attendaient ça avec une brique et un fanal, là, littéralement, en disant, mais faut que ça soit bon. Et donc, si je réalise en lisant ça que si vous aviez raté votre coup, eh bien, il y aurait eu un impact important, du moins, dans les forums de fans. Mais en étant un peu externe à ça, ça permet d'éviter cette pression-là, de pas trop être animé par la pression des lecteurs qui adorent cette série-là et qui veulent le meilleur, si on peut dire, pour l'adaptation. C'est toujours très compliqué parce que en tant qu'auteur, donc que ce soit scénariste ou dessinateur, on est pris dans un flot de à la fois les commentaires sur Internet qu'on ne devrait pas regarder, mais on regarde quand même. C'est toujours difficile. Et en même temps, les fans de la première heure, quelque part, c'est eux qui ont fait aussi le succès de Pierre Bottero. Et nous, on se doit de leur rendre quelque chose qui correspond à l'esprit de Pierre. Voilà. Mon but dans l'adaptation, c'était pas de respecter totalement fidèlement les actions, en réalité. Parce que une adaptation, c'est une trahison, puisque je suis obligé de couper. Mais tout notre travail a été à essayer de rendre l'esprit de Pierre Bottero, qui était aussi pour plein de personnes, plein de lecteurs, aussi un maître à penser, quelqu'un qui donnait en fait des voies, des directions dans lesquelles on pouvait se chercher soi-même. Et j'essaie que de la bande dessinée est ça. Je pense que une des grandes qualités, effectivement, du trio qu'on forme, la dessinatrice donc Laurence Baldetti, le coloriste Loïc Chevalier et moi-même, une des grandes qualités, c'est qu'on n'est pas ultra fan. Du coup, on n'a pas l'impression de se couper de se trancher les veines à chaque fois qu'on enlève une séquence, même si c'est difficile. Mais en même temps, en étant un tout petit peu extérieur, on a un regard un tout petit peu plus objectif sur l'œuvre et on cherche à rendre justement l'esprit de l'œuvre et pas la technique. Il nous aurait fallu, pour faire l'adaptation d'un seul roman, il nous aurait fallu 4 BD, 200 pages par pour être tout à fait complètement fidèle. Mais ce serait plus de la bande dessinée et ce serait complètement différent. Oui, ou ça n'aurait pas nécessairement été non plus de la bonne bande dessinée parce qu'il y a des questions de rythme et des questions de mise en scène qui sont complètement hautes dans le roman. Il y a une manière en BD d'amener les choses, de bâtir des personnages qui n'est pas la même que dans le roman non plus. Donc, veut pas, il faut vous donner cette liberté-là. Je pense que l'idée de l'esprit, c'est l'essence. Et encore là, avec le défi aussi, où on vous disait, vous avez un défi, un avantage, vous avez deux tomes, deux BD par roman. Mais encore là, il faut choisir aussi à quel moment on termine le premier tome, qui n'est pas la finale que l'auteur avait choisie pour son roman à lui, il reste. Une adaptation, c'est une relecture complète. C'est-à-dire que pour pouvoir adapter correctement, je suis obligé d'être, moi, en tant que scénariste, être au milieu de l'œuvre. C'est-à-dire d'essayer de comprendre comment Pierre Bottero a conçu son œuvre et de la détricoter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis quasiment dans ses mots, dans ses pensées, comment il a construit les choses. Et effectivement, parfois, moi, ce que je fais en tant qu'adaptateur de romans, c'est que je ne fais pas de compression. C'est-à-dire que je ne prends pas une séquence et je ne la compresse pas, je fais des coupes. C'est-à-dire que je choisis des moments que j'enlève complètement, mais je ne fais pas de compression parce que la compression, c'est l'annihilation du sens. Voilà. Et du coup, le fait de travailler sur cette bande dessinée, on a quand même un format confortable. Dès le départ, Jean-Claude Camano nous a dit, si je vous donne deux tomes de 62 pages par roman, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et aujourd'hui, des tomes de 62 pages, couleur grand format, c'est luxueux. Effectivement, donc on se donne la possibilité de le faire, mais enfin en se disant, OK, on va pouvoir le faire correctement. Et en même temps, de bâtir dans un contexte où c'est une histoire à mythologie quand même forte aussi. Bon, il y a des éléments, donc faut pas non plus tomber dans le trou verbeux. En fait, j'ai l'impression, je regarde le travail que vous faites là-dessus, je me dis c'est un travail d'équilibriste. Donc, servir le récit, s'assurer que ça soit une BD, aller faire aux lecteurs de la série qui vont avoir envie de voir l'adaptation que vous en faites, mais aller chercher des gens aussi qui n'ont jamais lu les romans et qui doivent saisir l'essence de la mythologie sans être obligés de se référer aux romans non plus. Notre mission est très complexe à ce niveau, car la bande dessinée, c'est tout autre chose. On ne fait pas de la copie du roman, c'est de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'avant tout, il y a un propos graphique, et mon travail de scénariste, c'est de donner à la dessinatrice les moyens de rendre graphiquement l'univers de Pierre Bottero en faisant des choix. Donc il y a des choix que certains lecteurs sur les forums ont contestés, d'autres pas, mais ça s'explique. Le travail graphique, c'est le travail de scénariste, c'est de donner des défis. Mon travail, c'est aussi de faire en sorte que la dessinatrice Laurence Baldetti ait tout le temps des défis et pas qu'on soit dans la reproduction d'un schéma narratif qui serait le premier sur le même, qui serait le premier sur le deuxième album que sur le deuxième, enfin que sur le premier. Et du coup, chaque album, on essaie de travailler pour faire en sorte que chaque album ne se ressemble pas. On n'utilise pas le même canevas narratif. Et en même temps, je suis toujours à l'écoute de Laurence qui me dit parfois, on sent qu'on est un tout petit peu dans la narration voix off, un peu roman. Est-ce que tu peux pas mettre moins de cases? Est-ce que tu peux pas faire plus d'espace? Parce que comme on est dans une bande dessinée d'aventure, on a besoin d'avoir des grandes cases, on a des lieux. Et du coup, au début, on était en 6 albums, maintenant on est passé en 7. On a demandé à passer en 7 albums pour avoir effectivement l'aisance de développer tous les décors qu'on souhaite, mettre les monstres qu'on a envie, et de vraiment continuer à traiter l'essence de l'œuvre, c'est-à-dire les séquences et vraiment le sens profond de ce qu'a donné Pierre Bottero dans la BD. Alors c'est un luxe d'avoir un 7e tome, mais bon, c'est merci aux lecteurs qui supportent la série depuis le début et qui aussi nous on tient une page Facebook avec Laurence effectivement sur la quête des Willan, et c'est nous qui la tenons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un lecteur qui lui dit moi j'aime pas tel personnage, on peut en discuter entre nous. Le dialogue est direct. Ouais, le dialogue est direct et on reçoit aussi bien les critiques que les compliments. Et parce qu'à la limite, on parle de personnages, évidemment, ça reste, il y a un petit côté choral à ce film-là où chaque personnage aussi a son moment dans le soleil, où votre héroïne n'est pas seule, il y en a plusieurs, faut les construire, faut se donner l'espace pour les construire, construire le monde, comme vous disiez, donc encore là, un peu de travail d'équilibre, d'une certaine manière. C'est de la dentelle, en fait, c'est de la dentelle, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de personnages qu'on ne peut pas mettre tous les personnages en avant comme ils sont mis dans le roman, donc je fais des choix. Et parfois, je vais thématiser une séquence, c'est-à-dire que la séquence qu'on va montrer, qui va faire 5 ou 6 pages, va être vue par l'œil d'un des personnages, et non pas par Camille, qui est l'héroïne. Et ça va montrer, déjà, ça va identifier ce personnage. Les lecteurs vont pouvoir retrouver le personnage qu'ils avaient dans le roman, et s'approcher de lui de manière intime. Et en même temps, ça montre que, vous avez raison sur le principe choral, en fait, hein, ça montre que l'aventure n'est pas vécue que d'un seul point de vue, c'est-à-dire le point de vue de Camille, mais du point de vue de tous les autres. Et cette chose permet pour le lecteur, il me semble, de s'attacher à plusieurs personnages, parce que tout le monde n'est pas forcément que Camille. Ou de comprendre plusieurs personnages, je ne veux pas. En changeant de perspective, on tombe en psyché de quelqu'un d'autre, on peut comprendre des liens, des éléments. Ça devient un bon outil, si on peut dire, autant pour le scénariste que pour la dessinatrice. Et oui, c'est en fait, à un moment donné, quand on est bloqué, quand j'ai l'impression que narrativement on est bloqué, qu'il manque quelque chose et qu'on n'est plus dans le nouveau. Je prends un autre personnage. Je traite un personnage. Et en même temps, on fait le petit pousset. C'est-à-dire que je sais très bien que le premier tome des mondes des Willan, qui commence de manière très rude, va sceller une relation entre Camille et un des personnages annexes de son groupe. Et tout au long de la première série, je pose les jalons de cette relation qui commence à naître. Au début, ils sont distants. Et plus le temps passe, plus ils se rapprochent jusqu'à ce moment où leur relation va se cristalliser et Maniel va protéger Camille de la meilleure manière qui soit. Et en fait, on a posé, nous, tous les jalons de cette relation. Elle va pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Et c'est des choses que je suis obligé de réfléchir en amont. Donc, je suis obligé de concevoir, non pas une série, mais deux. Parce qu'en fait, il y a les mondes des Willan aussi. Et aujourd'hui, il y a une deuxième série dans le monde de Pierre Bottero qui va sortir. Donc là, le 27 avril. Donc, Elana, qui est l'adaptation du Pacte des Marchands. Donc le premier tome va sortir et c'est le même format d'album. C'est un dessin qui se rapproche du dessin de Laurence. Donc on a vraiment travaillé avec les deux artistes pour arriver à avoir un traitement qui soit graphique du dessin et de la couleur qui soit homogène, histoire d'avoir un univers homogène, cohérent. Ouais. Et en même temps, dans ça, j'imagine, bon, on a accès aux livres, au matériel, donc on peut savoir précisément où on s'en va. Mais j'imagine aussi que dans tout ça, faut avoir une planification serrée, mais donner place à l'accident aussi ou à la découverte une fois que ça passe au dessin, de donner liberté, de découvrir des choses qu'on n'avait pas pensé finalement. C'est tout le travail du scénariste, c'est-à-dire c'est donner à rendre en fait ce qu'il y avait dans le roman, mais de manière étonnante. Et parfois, dans les coupes, j'ai coupé des moments qui étaient importants pour garder des moments qui paraissaient anodins, mais qui en fait, par la thématique qu'il développe à l'intérieur de la séquence, notamment des fois sur des séquences qui font une page, je développe juste un clin d'œil entre deux personnages. Et plutôt que de mettre une séquence d'action, je préfère une séquence thématique, parce que ce qui m'intéresse, c'est les relations des personnages. Parce que l'aventure, de toute façon, les personnages vont d'un point A à un point B ou un point Z. Et moi, ce que j'essaie de garder, c'est l'aventure intime de chacun, et non pas l'action pour l'action. Oui, parce que de toute façon, c'est avec l'aventure intime qu'on se reconnaît dans ces personnages-là, qu'on crée le lien. Et s'il n'y a pas cet élément-là, ben, les séquences d'action résonnent de façon moindre, somme toute. Là. Oui, il n'y a pas d'identification au personnage. Et nous, on n'apporterait rien de plus. C'est-à-dire que mon but, c'est aussi, en faisant un choix, c'est comme quand vous êtes dans une cuisine, vous pouvez tout cuisiner, mais vous faites quand même un choix. Vous dites, voilà, aujourd'hui, je vais harmoniser mon entrée avec mon plat, avec mon dessert. Eh bien, c'est la même chose. Et on réfléchit chaque tome. Effectivement, pour que chaque tome ait une couleur particulière. Là, on est en train de faire le quatrième, qui est une errance. En fait, le début du premier tome, c'est très foisonnant. On est dans la ville, donc il va y avoir des grandes cases immenses. Il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de tours dans tous les sens, il y a beaucoup d'actions. Et dans la deuxième partie, on est dans quelque chose de beaucoup plus lancinant, de beaucoup plus de beaucoup plus lent, et en même temps quelque part de beaucoup plus désespéré, parce qu'on va vers la mort. Et le cinquième tome, qui est le tome qu'on a rajouté, en fait, va se passer sur une journée. Et donc, du coup, on n'aura pas la même temporalité que dans les autres tomes, mais ce tome en une journée, c'est un tome qui se passe dans une ville abandonnée, avec un immense monstre, avec plein d'autres personnages qui vont être délivrés. Et là, quelque part, c'est le premier final de cette série, mais j'avais vraiment envie de lui donner toute sa chance et de dire, voilà, pendant 64 pages, vous allez être dans un épisode de 24, là, et jusqu'à la fin, vous n'allez pas savoir ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que dans tout ça, c'est un peu, ben, vous disiez de mettre au défi votre scénariste, votre dessinatrice, dans ce que vous proposez, mais c'est un peu aussi de, Liliane, vous mettre au défi vous comme scénariste, en disant, ben voilà, j'ai mon coffre à outils, je pourrais m'asseoir et faire une adaptation classique, mais non, je vais en inventer des nouveaux, je vais sortir ceux que j'avais pas sortis depuis un bout de temps, puis je vais essayer d'essayer justement de mettre en danger dans cette adaptation-là. C'est exactement ça. La chance que nous avons en travaillant avec les éditions Glénat et avec notre éditeur Cédric Hillan, c'est qu'il est à notre écoute. Et comme les lecteurs sont là aussi pour supporter la série et que commercialement le livre fonctionne, on a plus de liberté. Et du coup, à un moment donné, quand je propose quelque chose d'audacieux, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un tome de 62 pages où ce sera une journée, mais ça va être grandiose, il y aura des cases, il y aura des doubles pages, comme on a commencé déjà à faire, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans l'adaptation bête et méchante où je fais pas de la photocopie. À chaque fois, c'est un nouveau défi artistique. Et notre but avec Laurent, c'est de faire que chaque album sera différent, pour pas retomber dans la répétition, parce que de toute façon, Pierre Bottero tombe pas dans la répétition. Et on a vraiment envie j'ai vraiment envie que les lecteurs de la BD sentent toute l'énergie qu'on met dedans. Et en même temps, ceux qui découvrent la BD et qui connaissent pas les romans, j'en connais énormément qui sont allés chercher les romans. Donc j'adore l'idée que ce pont se fasse. Pour moi, la bande dessinée adaptée n'est pas une œuvre qui est en contradiction avec un roman. Elle ne va pas contre. Elle doit s'harmoniser avec. Donc je ne dis pas la même chose. En même temps, le roman vous dira autre chose. C'est-à-dire que je ne le copie pas. Je l'adapte. Alors on découvre évidemment tout ce travail, la résultante, donc au fil des tomes, entre autres donc de La quête d'Ewilan, donc dessin de Laurence Beldetti, scénarisé par Lilian. Lilian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition spéciale La vie en BD. Je vous rappelle qu'on était en direct du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec, que le festival continue un feu roulant d'activités d'ailleurs jusqu'au dimanche. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la programmation, que ce soit dans l'espace du Centre des congrès, que ce soit dans les différents lieux de la ville de Québec, eh bien, vous pouvez aller faire un tour sur fbdfq.com, donc des expositions, des rencontres d'auteurs, des spectacles. C'était Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir d'être avec vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée sur les ondes du 89. La vie en BD vous a été présentée en direct du Centre des congrès de Québec.